Deuxième partie de la gloire du Comacchio. Ils allaient maintenant côte à côte à travers les étroites ruelles pavoisées d'oripeaux. Le ciel au-dessus d'eux traçait une lézarde couleur d'ibis rose. Des buées commençaient à bleuir les coins éloignés. Les marécages environnants exhalaient sur la ville une humidité chargée de malaria. Ils marchaient vite. Au sein de l'animation plébéienne, César d'un pas fougueux, le juif trottinant auprès comme un lion suivi d'un chacal. « Alors, il l'a jeté en bronze !» disait Bordone fronçant les sourcils. « Et joliment !» répondit Tubal. « Un padouan n'aurait pas fait mieux. Combien de haut ?»« 6 brasses florentines à peu près. »« Ah, comme le percer !» Un silence suivit. Tout à coup, César se mit à grommeler. Son bégaiement redoublait sous l'empire de l'exaspération. Frémissant de dégoût, il mâchonnait qu'il avait été trop bête. Aussi, que pas un sculpteur digne de ce titre ne pouvait espérer quoi que ce soit, quoi que ce fût, de Ferrare, sinon d'être le sous-œuvre de ses architectes. Et comme il passait non loin de San Domenico, il montra la façade et les statues de Ferreri, à l'appui de ses dires. « Voilà ce qu'on nous demande ici, quand ce n'est pas des ornements d'hôtels, comme ceux de Bindelli et de Marescotti, au dôme. Nos ducs d'Aeste n'y connaissent rien en sculpture, rien. Depuis qu'un de leurs aïeux a protégé Pisanello, qui ne fut qu'un médailleur. Depuis 100 années, il n'y en a que pour les poètes, dans cette cour de brutes et dans cette ville de ganache. À Ferrare, un madrigal, un concerto, vous met son rimailleur au pinacle. Les troubadours commandent. Boiardo, capitaine de Modène. Ariosto, gouverneur de Garfagnana. Si ce n'est pas ridicule. Vous êtes poète, mon cher, prenez donc ce trône. Tout beau, messer, dit le juif en tapant sur le mur de l'hôpital Santa Anna qui longeait. Vous oubliez que Torquato Tasso est incarcéré là-dedans. C'est vrai, mais pousse la porte de cette église et que vois-tu? Le tombeau de Pigna. Son rival, enterré comme un doge parce qu'il fut l'ami intime d'Alfonso. Le duc Alfonso ne dédaigne pas les sculpteurs, insinua Tubal, puisque c'est Baccio qui succède à Pigna dans ses bonnes de grâce. J'étais fou, répartit César, vil et fou, de briguer les suffrages de ces cagots libertins. Ils me font horreur. « Sortis des priapés et des moineries, à quoi sont-ils bons? Régler un pas d'armes, courir le taureau, lancer le dard et suivre les préceptes de Baldassare Castiglione, pitoyable codificateur du bel usage. Notre cour, une troupe de comédiens. Leur vie, leur baptême, leurs noces, des représentations mythologiques. Entre-temps, le cardinal est dans sa vigne. » Entouré de filles, à manger des sorbets. Le gentilhomme s'installe chez le maître d'armes. Et s'ils en sortent, où se rencontrent-ils? Dans la boutique de l'orfèvre. Ah, je voudrais leur cracher mon âme à la face. Le château ducal, énorme masse carrée, citadelle isolée par une ceinture d'eau, les couvrait de son ombre. Césarée cracha dans le fossé. M'ont-ils assez raillé dans leur pantalonnade quand je souffrais humilié, trahi, mais ravalant mon fiel dans l'espoir que les lauriers allaient fleurir? À tête de sang, les lâches! Sa véhémence ne tarissait pas. L'idée de sa défaite virulente faisait fermenter les autres. Ça ne serait rien encore, mais toutes ces familles souveraines. Fais le compte et vérifie, Tubal. Sforza! À Milan, Malatesta à Rimini, Médicis à Florence, Este à Ferrare, ont l'habitude héréditaire du meurtre. Altesse ou prélat, excellentissime ou révérendissime, tous façonnés par Machiavelli à l'image de Cesare Borgia, manient le cantarelle et le curare aussi bien que la cordelette et le stylet. On empoisonne, on étrangle, on égorge, puis on marmotte une oraison. N'y pensons plus. D'ailleurs, t'imagines-tu qu'on emploie seulement le fer et le feu, le lacet et le venin? Ouais. César se rapprocha de son confident. Ils se servent de maléfices, j'en suis sûr. Il y a 12 ans, mon protecteur est mort de consomption, d'une manière surnaturelle. Qui donc? Galeazzo Bisconti, le provéditeur. Ah, le digne homme, déplora le juif, je me souviens de lui. Songe, Tubal, à tous ceux qui ont péri singulièrement depuis lors, que de puissants anéantis, le cardinal Gianfrancesco Toria, gonfalonier de la Sainte Église romaine, Gismondo Poleoni, le comte d'Ottiere, et tant. Oh, protesta Tubal, cette année je ne trouve pas qu'on soit mort avec beaucoup de zèle. En effet. Cependant, le podesta Borso Strozzi vient d'être emporté bien subitement pour un gaillard dans la fleur de l'âge et dont les héritiers sont à bout de ressources. Et voilà plusieurs semaines que Leonora d'Urbino, trop belle je suppose ou trop farouche, languit d'un mal mystérieux et succombe un peu plus chaque jour. Quoi? Une femme? Se récria Tubal. Vous soupçonnez quelqu'un d'immoler une pauvre petite femme? Le juif étudiait avec curiosité la physionomie de Césaré. Un agacement s'y révéla. Eh mon Dieu, le sexe ne fait rien à l'affaire. Une vengeance est une vengeance. Ce que je dis, c'est qu'il est bas d'opérer dans les ténèbres pour satisfaire d'aussi piètres rancunes. Cupidité, jalousie, concupiscence, ah! Les nobles passions. Mais le duc n'en a point d'autre, et chacun d'imiter le tyran. Alfonso da Este, parangon de tout un duché. Non, c'est impayable, le fils de Française, ce petit-fils de notre adversaire Louis XII, donc un barbare doublé d'un ennemi. Sa grand-mère, Lucrezia Borgia, de sorte qu'il descend peut-être du pape Alexandre VI ou du cardinal Bembo, et qu'il est le fruit d'un inceste ou d'un adultère. Après cela, comment ne serait-il pas lubrique, envieux, avare? Le juif ricanait. Qui sait même s'il vous aurait payé vos 2000 florins? Il faut une maladie de son Altesse pour que ses trésoriers acquittent les appointements. C'est un sacrifice qu'elle offre au ciel en échange de sa guérison. Oui, qui sait? Approuva Césarée, frondeur. Il réfléchit le temps de quelque enjambée plus impétueuse, et marquant un arrêt brusque. « Mais si tu te trompais, on a pu te mystifier. Nous arrivons, » dit Tubal. Césaré se remit en marche. Au tournant de la rue, on apercevait la demeure de l'usurier, presque de face, et le commencement du palais de la Tacca. Césaré bordonné évitait de passer par là d'ordinaire, à cause de Chiarina, dont il fuyait la rencontre. Il avoua cette faiblesse au juif et lui demanda s'il la voyait quelquefois. Très souvent, une épouse légitime ne peut habiter sous le même toit que son amant. Cela est cause que Baccio l'a nichée dans une gloriette, non loin de la porte du pot. Mais elle vient sans cesse au palais, comme bien vous le pensez. Hâtons-nous, fit Bordonné. Ne craignez rien, messer. Elle viendra ce soir. Mais plus tardivement. J'ai mes espions. Ce soir, on soupe en belle compagnie chez mon voisin. Tenez-vous ferme. Le duc et ses familiers doivent s'y rendre incognito. Tu me bernes. Pas du tout. Il s'agit de présenter la statue à son Altesse, puis de fêter la victoire. D'avance! Les fourbes! Et la seule beauté admise à la bombance, au nom de l'art, c'est le modèle, messer, c'est Madonna Chiarina. Césaré se retint de battre le vide à poing fermé. Diable! Vous l'aimez donc toujours? Persifla Tubal, qui le surveillait du coin de l'œil. Sache, en tout cas, répondit le malheureux, qu'il n'est pas une femme au monde que Césarée n'eût sacrifiée à sa gloire. La maison de Toubal, étroite et pointue, avait un porche caverneux. Placée de travers, elle faisait penser à quelqu'un de renfrogné qui se détourne. L'ombre de la rue ajoutait à sa noirceur, tandis que le palais des Lattaques, édifié devant la place des réjouissances publiques, resplendissait au dernier feu de l'Occident. Avec le Palazzo dei Diamanti, c'était le bijou de Ferrare, un mirifique objet harmonieusement multicolore, simple dans ses lignes, fouillé dans son détail, et faisant l'effet d'un gigantesque meuble de marqueterie. Car nulle part la pierre ne s'y montrait à l'état naturel, mais tournée en colonne, appareillée en cintre, ciselée en rinceaux, gravée de graffitis, creusée de niches rondes pour les bustes à l'antique. Cela composait une telle profusion de magnificence que l'extérieur du palais semblait mériter d'être l'intérieur. Une balustrade courait sur le ciel, le long de la terrasse. Au-dessous, l'étage unique découpait une svelte arcature, close par des draperies. Les jours de carrousel, on enlevait les draperies, et ces lieux s'emplissaient de fiers attentifs et de belles accoudées qui se pressaient là pour mieux voir les jeux. Sans songer que le vrai spectacle était celui de pareils spectateurs dans une loge aussi royale. Césarée haussa les épaules. « Ah, que voilà donc le logis d'un orfèvre, et non d'un statuaire !» Au fond du porche, dans le noir, une claie ferraillait, des gonds grincèrent. Encore ébloui par la façade rutilante, Césarée Bordone se laissa guider comme un aveugle à travers une intimité de puanteur. Ils ressortirent par une porte de derrière, dans un enclos de broussailles. Tout au bout, Toubal dressa contre le mur, péniblement, une échelle qui se trouva couchée sous les buissons, et monta, suivi de Césarée. Une servante barbaresque les attendait de l'autre côté, le doigt sur la bouche. « Eh bien, Fatima, le maître s'habille, les domestiques sont à la besogne, vous pouvez venir. » Ils étaient enfouis dans l'épaisseur d'un bosquet d'acacias et d'orangers garnissant la muraille. Par les trous du feuillage, on découvrait un jardin régulier planté de marbre, avec parmi les lauriers roses, entre des urnes fleuries, des bancs d'albâtre et de gazon. Le crépuscule assombri les invitait à faire diligence. La servante à pas de loup rasait le mur. On l'imita du mieux que l'on put. Ils franchirent ainsi l'espace déboisé dont le four occupait le milieu, maisonnette de briques enfumées, pleine de cendres et de scories, de cabestans et de cordages. Césarée Bordone voulut y pénétrer. Le juif l'entraîna, et les choses se mirent à défiler comme une fantasmagorie devant ses prunelles hagardes. D'abord l'arrière-façade du palais. Unie celle-là, mais entièrement revêtue de dalles polychromes disposées en trompe-l'œil, avec un art si merveilleux de la perspective que d'illusoires galeries feignaient de s'y enfoncer et simulaient une quantité de fuites et d'issues pour le plaisir des yeux. Ensuite une loggia d'entrée, supportée par des atlantes de terre cuite émaillée, puis l'escalier d'honneur, tapissé d'incrustations, puis des salles hautes et pompeuses. On y entrait par des portes à frontons encadrées de pilastres, surmontées de sculptures, où la joaillerie architecturale du dehors venait s'orfévrir à l'extrême. Les cheminées étaient si décoratives sous le baldaquin de leurs manteaux qu'on prenait chaque pièce pour une salle de trône. Et c'était partout des chutes de tentures lourdes sur des coffres cordouans ou des tables de malachite chargées de cassettes, de buires et d'émaux. Les glaces de Venise, au-dessus des bahuts plaqués d'ivoire et de nacre, reflétaient des tableaux sans pareil. Des cabinets d'ébène ornés de figurines ouvraient leurs vantaux précieux sur des fils de livres cuirassés d'argent. Leurs sièges durs, amollis de coussins, se mireraient aux vastes parquets. Tout cela fait pour les conversations et les danses, et tout cela désert. De levrettes blanches accouplées vinrent flairer les étrangers aux talons. L'une voulut les suivre, l'autre s'écartait d'eux. Ils les laissèrent tirailler sur la couple. « Bénis soient les palais d'artistes, » marmonna le juif. « Partout ailleurs, les murs seraient aux écoutes et les trous de serrure aux aguets. Mais, sire, n'est-ce pas que la richesse est une jolie chose ?» Césarée répondit évasivement. « Il est toujours beau l'endroit où l'on est heureux. » Fatima, soulevant un rideau, les fit passer devant elle. Son geste recommandait la prudence. Ils débouchèrent dans le cortil intérieur. Au premier moment, Césarée ne discerna que la belle ordonnance d'un cloître profane, rectangulaire, entouré de portiques légers formant deux promenoirs qui superposaient leurs arceaux et leurs colonnades. L'ombre s'amassait dans les galeries. Celle d'en haut, du côté de la place publique, était le siège d'une grande agitation. Aux lueurs de quelques lampes, on y voyait des serviteurs s'affairer aux alentours d'une table et portaient avec mille paroles les mille accessoires du souper qu'ils préparaient. « Où est la statue ?» disait César. « Regardez, fit Toubal, mais restez dans l'ombre, derrière ces piliers. » Autour du bassin central, empanaché de son jet d'eau, trois statues de bronze étaient debout, chacune sur un piédestal, et rien d'autre n'enrichissait la cour vide et le dallage nu. Césarée, au comble de la surprise, se repaissait avidement de la représentation préparée pour le duc, et regardait les trois statues tour à tour. La première, c'était un vieux chef-d'œuvre de Donatello, Judith et Olioferne. La seconde, le Persée, à la Méduse de Cellini. La troisième, Andromède et le dragon de Baccio. Césarée comprit. Sous forme de moulage peint, de fantômes, de non-valeur, Baccio s'était procuré les deux merveilles de la loggia dei Lanzi, pour mieux persuader au duc que son Andromède les valait bien, et qu'elle était sans contredit le pendant du Persée. Et le plus extraordinaire, c'était que cela fût vrai. Toubal écoutait Césarée porter son jugement d'une voix basse et sifflante, comme on exhale une douleur. « Ah, tu l'avais bien dit, c'est presque une perfection. Cette statue-là serait inestimable si elle s'éloignait davantage, et du Persée et de Chiarine. Mais ce n'est qu'un pastiche dont le seul mérite est d'être un bon portrait. Au surplus, la ressemblance est d'une exactitude émouvante. On jurerait que c'est elle. Toubal. Chiarine. Le juif pensa que Bordone voyait sa femme posée devant son rival. Nudité ferme et tendre à la fois. Très fine et bien potelée, telle que l'a dévoilée son image, d'airain. Mais le sculpteur poursuivit. Tous ceux qui l'auront pour modèle accompliront subitement des prouesses. Tu t'émerveillais tout à l'heure à propos de nos deux chefs-d'œuvre, et tu parlais de résurrection et de prodige. Le prodige s'appelle Chiarine, et ce n'est plus moi qui en dispose. La statue disparaissait peu à peu, dans la nuit venante. César la regardait se simplifier par la vertu de l'ombre, qui est parfois une grande artiste, et ainsi redevenir une ébauche. Mais une ébauche en quelque sorte définitive et parfaite, comme son Andromède à lui. L'extase sombre et le regret infini se mêlaient dans ses yeux de vaincu. Un effort le tira de sa pensée comme d'un gouffre. « En vérité, dit-il avec l'intonation d'un critique indifférent, on se demande si c'est un hommage ou un affront à la mémoire de Cellini. Quel parallélisme! Vois donc! Le rocher d'Andromède encombre ni plus ni moins que le coussin du Persée, et le dragon s'y roule au pied de la demoiselle comme la méduse au pied du sabreur. Le piédestal est ingénieux dans son imitation, dit le juif. Césarès se penchait en avant pour distinguer les détails. Une même ordonnance appareillait les deux bases. Toutefois, dans l'œuvre de Baccio, des retombées d'algues remplaçaient les guirlandes de fruits, et des têtes de dauphins, les têtes de chèvres. Ici, les cariatides étaient des sirènes, là des cybélès. Et dans les niches à coquilles, Amphitrite supplantait Pallias et Neptune Mercure. Mais les regards de Bordonnet remontaient malgré lui vers la statue, et le prêteur y démêla de si terribles sentiments qu'il voulut faire diversion. Croirez-vous cela, messeurs? La similitude le hantait si fort, votre Baccio, qu'il a fait couler avec le bronze 200 livres de plat d'étain, parce qu'il avait ouï dire que Benvenuto s'y était vu contraint, faute d'assez de métal. Césaré ne disait mot. Ses yeux errants semblaient chercher quelque chose. Le juif aperçut dans un recoin, tout près d'eux, les leviers et les marteaux qu'on avait employés à dresser les trois groupes. Il prévit un scandale irréparable. « Vous m'avez juré, dit-il avec force, en s'accrochant aux habits de César, et vous m'avez juré sur la Madone, seigneur. » « C'est une chance pour Baccio, grogna le sculpteur après une courte hésitation. « Oui, c'est une vraie chance pour lui que j'ai juré. Mais si tu veux que je tienne mon serment, partons, tout bal. Oh, partons !» Fatima les reconduisit. Tout effrayé de cette espèce de lutteur halluciné qui étouffait entre ses dents des clameurs de bagarre. À feu, à sac, à sang, pille, pille, suce au traître, à mort le gueusard, et toutes les violences qu'il aimait à brailler dans l'action. Maintenant, le juif l'a fait entrer dans une chambre de sa maison, par la fenêtre qui est en retour. La vue enfile les zigzags de la rue déjà nocturne où des lumières jaunes vacillent. Le clair-obscur neutralise la chambre et César, par un flot de paroles, soulage en liberté sa colère. Toubal, silencieux, l'écoute bégayer. « Je le tuerai, Baccio, entends-tu ? Ah, comme tu avais raison, sa statue ! Ah, tiens, voilà une statue qu'on aimera pour ses défauts précisément. » Pour tout ce qui en fait un travail d'orfèvre, parce qu'elle est fouillée, trifouillée, quadrifouillée, sang du Christ, dire que c'est encore un porteur de tablier de cuir qui va me passer sur le ventre. Mais je le tuerai, dans les supplices. J'en ai tué d'autres moins sournois, moins pervers. On m'a vu dans les coups de main, dans les assauts de boutique. J'en ai tué pour moins que cela. Je te tuerai, Baccio, voleur de gloire. « À quoi bon ?» dit Tubal, tout doucement. « Il n'en aurait que plus de gloire, et vous plus de honte. »« Ah, par Dieu, c'est la statue qu'il fallait détruire. Tu aurais dû me la laisser briser tout à l'heure. Il suffirait qu'elle ne soit pas demain sur la place. »« D'accord, mais si vous l'aviez brisée, à présent vous seriez arrêté. Il y avait trop de gens sur la galerie. »« Alors, cette nuit, n'est-ce pas ?» dit « Veux-tu cette nuit ?»« Cette nuit, vous n'y songez pas. Ils vont festoyer jusqu'au matin. »« Toubal, Toubal, pourquoi m'as-tu prévenu si tard ?»« Je ne savais pas. Non, sur l'honneur, aussi vrai que nous voilà tous les deux. Par la tête de mon père, je ne savais rien du tout. Rien du tout. Vous vous rattraperez une autre fois, messeurs. »« Non, riposta Césarée, et son accent devint grave et profond. » Je suis trop vieux, la gloire est jouvencelle, comme Chiarina. Il faut de jeunes amants. Ce concours, c'était mon va-tout. J'ai joué, j'ai perdu. Mon Andromède, chant du cygne, fleur d'aloès. L'ayant créé, je n'ai plus qu'à mourir. Sa voix tremblait, et ce n'est que du plâtre éphémère. À peine me survivra-t-elle. La postérité ne pourra lui faire justice. Pas de gloire. César est bordonné. Allons, c'est fini. J'ai toujours rêvé de mourir au bras d'une statue, comme Pétrarque, le front sur un livre. Voici le moment. Le juif sursauta. Hein ? Fit-il ? J'oubliais, reprit César avec un triste sourire. Mes dettes, il faut que je les paye. Eh bien, Toubal, rassure-toi. Je vivrai donc pour les payer. Et comment les payerez-vous ? Demanda l'usurier. Si demain soir je n'ai pas mes 1460 ducats, outre vos ennuis d'époux et d'artiste, mon pauvre messer, vous pourriez, savez-vous, connaître ceux de la prison. Césarée démonté fut pris d'un frémissement. Que dis-tu ? Que dites-vous, tout bal ? Moi, la prison ? Vous riez ? Vous ne répondez pas. Ah, j'aperçois que vous aviez un dessein caché. Mais non, mais non. Vous m'accorderez bien un délai. Je travaillerai, je vais faire des portraits de bourgeois. Non ? Toubal, sentant que la menace allait suivre la prière, se décida. Écoutez, parlons franc. Voulez-vous que j'annule ce prêt ? Voulez-vous non seulement déchirer vos billets, mais encore gagner autant d'argent que feu Milanello, dont le traitement ducal était la plus maigre ressource et qui amassait des trésors, malgré ses crânes trop lourds et son vilain modelé reluisant. « Hein ? » fit César et abasourdi. « J'ai l'œil sur vous depuis sa mort. Vous devez être un des premiers de la ville. Vous ressemblez à l'aigle emblème de Ferrare. Vous ressemblez au plus illustre des Ferrare, à Savonarole. Je veux aider votre destin, vous donner la meilleure part dans la succession de Milanello. La part occulte, l'or. » Il faisait sombre. Bordonné se taisait, oppressé de stupeur. Tubal se méprit à ce silence.